Delhi. La lampe ardente. Première partie. Chapitre 1. En quelques traits rapides, Raymond acheva le dessin commencé, puis il leva les yeux et regarda longuement la vue qu'il venait de reproduire. Il se trouvait sur une terrasse rocheuse, entourée de pins et de bouleaux. Le regard plongé dans la gorge, au fond de laquelle bouillonnait, invisible, la torrentueuse petite rivière. En face, il rencontrait un roc énorme, couleur de fumée, strié de roues, dressé entre les sapins et les hêtres, couvrant tout ce qui n'était pas la roche nue. À la fin de ce gris après-midi, un peu de lumière paraissait, diffusée par le soleil abaissé à l'horizon, derrière un long nuage couleur de perles. Cette clarté légère touchait timidement le sommet du grand roc, caressait les arbustes qui se penchaient vers la fraîcheur humide de la rivière, sur le versant de la gorge où se voyait la petite terrasse aux balustres de sapin rouge, fleurie de roses géraniums à longues traînes. Dans cette solitude, le silence n'était troublé que par le bouillonnement du torrent. Mais bientôt, Raymond perçut un bruit de pas. En se détournant, il vit une jeune fille s'avancer dans l'allée de pins qui montait jusqu'à la terrasse. L'ombre environnante faisait paraître plus claire la fine silhouette vêtue d'une robe légère aux couleurs de lavande, le teint délicat, les cheveux blonds. Les petits souliers de daim gris semblaient frôler le sol couvert d'aiguilles de pin. Raymond sourit en demandant « Tu viens me chercher, Paul ?»« Mais non, mon ami, 6 heures sonnent seulement. Je suis à la recherche d'Ariane qui doit se promener de ce côté. Je ne l'ai pas vue, cependant. Elle viendra certainement ici. Attendons-la, veux-tu ? » ?»« Mais oui. » Pourvu que je sois rentré un peu avant le dîner pour mettre mon smoking, cela suffit. » Tandis qu'il parlait, la jeune fille montait les quelques marches rustiques menant à la terrasse. Raymond lui offrit sa main pour gravir la dernière. Elle s'appuya sur lui en le remerciant d'un sourire. « Tu dessinais le roc d'enfer ?»« Oui, c'est l'heure favorable. L'ombre l'environne, mais les contours sont nets encore. Regarde. Est-ce réussi ? Très bien, ton talent s'affirme, Raymond. Le barreau comptera parmi ses membres un véritable artiste. » Elle rit et Raymond lui fit écho. « À propos d'avocat, tu ne trouves pas que M. Daubré est changé depuis son succès ? À propos d'avocat, tu ne trouves pas que M. Daubré est changé depuis son succès ? » Raymond eut un léger mouvement d'épaule. « Oui, il est peut-être plus poseur encore. »« Poseur ? Quelle idée ! » Une intonation de contrariété passait dans la voix de Paul. « Il est conscient de sa valeur qui est grande. Tu dis cela à cause de son apparence un peu froide, mais tu le connais suffisamment pour te rendre compte qu'il peut être charmant. » « Pardonne-moi de ne point partager à son égard ton enthousiasme et celui de ta mère. » Je ne fais aucune difficulté pour reconnaître sa valeur professionnelle. Mais par ailleurs, nos idées, nos opinions sont trop divergentes pour que nous soyons sympathiques l'un à l'autre. » Paul fit quelques pas vers la balustrade. Comme elle sortait de l'ombre des pins, la douce lumière l'atteignait maintenant. Son teint avait la transparence d'une fragile porcelaine à peine rosée. Bien qu'elle fût plutôt de taille élevée, toute sa personne, mince et souple, donnait l'impression d'une grâce légère. En un geste lent, elle posa sur le bois rugueux de la balustrade ses mains longues et blanches. « Tu fais allusion à son manque de croyance, à ses idées politiques, à son éducation si peu semblable à la tienne ?» Elle parlait sans regarder Raymond. Ses yeux semblaient considérer le roc dressé devant elle, comme une gigantesque sentinelle gardant la gorge. Raymond dit brièvement « C'est un peu pour cela, en effet. » Il s'avança et vint se placer près de Paul. Le lien de parenté entre eux se pouvait déceler, pour un observateur, par quelques similitudes dans les traits. Mais celles-ci ne frappaient pas en général quand on voyait l'une près de l'autre, la physionomie de Paul, d'une délicatesse presque excessive, et celle de Raymond, si viril en dépit de sa finesse, avec ce regard ferme, parfois ardent, un peu dominateur, et qui savait pourtant s'adoucir, comme en ce moment où il s'attachait sur Paul, appuyé des deux mains à la balustrade et penchant vers la gorge sombre cette taille dont la souple minceur évoquait l'idée d'une longue tige de grandes fleurs élégantes. C'est un peu pour cela, mais aussi parce que nos natures diffèrent trop. Car j'ai de bons camarades et même un excellent ami qui, malheureusement, ne partage pas mes croyances. Les idées politiques de certains sont à l'opposé des miennes, mais tout en les blâmant, je ne cesse de les estimer, car je les crois sincères. Or, je reproche précisément à Daubré son manque absolu de conviction, quelle qu'elle soit, son amoralité foncière, dont j'ai eu des preuves, son mépris de toutes les vieilles sornettes, comme je l'ai entendu qualifier ce que nous respectons, ce qui fait la force et l'honneur d'une race. Il est, dans toute la force du terme, un arriviste, capable, je le crains, de défendre les pires causes dès qu'il y trouve son avantage. Je crois que tu exagères. Vraiment, je n'ai pas du tout cette impression. Maman non plus, d'ailleurs. Tu es parfois un peu trop absolue dans tes jugements, mon ami. Elle levait les yeux et lui souriait, comme pour atténuer le reproche contenu dans ses paroles. Il faut être indulgent pour lui qui n'a pas eu, comme toi, de bon guide pour l'orienter dès le début de sa vie. Raymond mit sa main sur l'épaule qui plia légèrement et dit avec douceur « Tu n'es qu'une enfant, Paul. Il est des choses que tu ne peux comprendre. » Elle prit un air froissé. « Cela veut dire que je suis très sotte ?» Il se pencha, baisa les cheveux blonds et répéta du même ton doux, nuancé de grave tendresse « Tu n'es qu'une enfant, tu es charmante, et je t'aime, ma Paul, ma fiancée !» Toute trace de contrariété disparut du joli visage. Paul inclina un peu la tête et offrit son front aux lèvres de Raymond. Il entoura de ses bras en un geste de maître. Ne lui appartenait-elle pas depuis toujours cette blonde cousine qu'il avait connue tout petit enfant et dont on disait déjà « Elle sera la femme de Raymond ». Leur père était cousin germain, les deux familles avaient toujours vécu dans la plus affectueuse intimité. Tacitement, il était convenu depuis des années que Raymond épouserait Paul dès que sa situation au barreau se trouverait bien assise. « Dis, chérie, nous nous marierons à la fin de l'hiver. On m'a confié plusieurs causes qui vont, je l'espère, me faire un nom que je serai fière de t'offrir. Jusqu'ici, je n'étais qu'un petit avocat peu connu dont les gains restaient assez maigres. Oh, tu sais bien qu'il ne faut pas te préoccuper de cela. J'ai ma dot et maman nous comblera. Je ne veux pas devoir la fortune à ma femme, tu ne l'ignores pas. Oui, je sais que tu as une âme fière. » Elle le regardait avec tendresse. Ses yeux, d'un gris changeant, avaient la douceur d'une caresse dans l'ombre des cils blonds lentement baissés. Il demanda, de la même voix murmurante, « Tu m'aimes ? Oui, je t'aime. » Il se plaisait ainsi à se redire ce qu'il n'ignorait pas, comme tous les amoureux. Paul se blottissait davantage entre les bras vigoureux, les bras protecteurs. La clarté du pâle couchant se répandait sur ses cheveux blonds, sans y éveiller aucun reflet. Au-dessous d'eux, sur la pente, les feuillages baignaient dans cette lumière mourante. Il y eut un frémissement de feuilles et un grand corps velu bondit d'un buisson au bas de la terrasse. Paul se redressa, se détourna et dit en souriant « Voilà Abby, Ariane ne doit pas être loin. » Tu parlais tout à l'heure de changement à propos de Daubré. Celui de sa sœur est autrement frappant. Oui, surtout pour toi, qui ne l'avais pas vue depuis quelque temps. Elle est sans conteste tout à fait charmante. Tout à fait, dit Raymond en donnant une caresse au chien qui s'approchait de lui. Un bruit de pas léger se faisait entendre venant d'un raide petit sentier qui descendait au fond de la gorge par de nombreuses sinuosités. Paul dit gaiement « Cette Ariane est intrépide, elle a déjà exploré tous nos petits chemins. » Au bas de la terrasse, une jeune fille apparut, vêtue de gris, le visage rosé par l'air, par la marche dans les sentiers difficiles. En quelques bons souples, elle fut sur la terrasse, près de Paul et de Raymond. « Je venais encore voir ce fameux roc d'enfer. C'est à cette heure qu'il devient plus sombre. »« Oui, voyez, mademoiselle. » Le grand roc gris, en effet, n'était plus que ténèbres. La lumière s'écartait du sommet. La gorge devenait un noir abîme d'où montait le grondement de l'eau bouillonnante. Accoudée à la balustrade, Ariane penchait vers elle, sa tête coiffée de cheveux légers. Le rayon de soleil prêt à disparaître semblait s'attarder complaisamment sur les boucles d'un brun clair et doré, sur le front mat si bien modelé. Quand la jeune fille se redressa, ses yeux couleur de violette parurent tout éclairés par cette pâle lumière. « Ce lugubre roc mérite son nom. Tu m'avais dit, Paul, qu'il avait une légende ?»« Une légende qui n'est peut-être que la vérité. » Autrefois, une jeune fille désespérée se jeta de là-haut dans la gorge, sous les yeux du fiancé qui l'avait abandonné. Il se tenait ici même, prétend-on. Accablé de remords, il s'enfuit, erra longtemps et se réfugia dans un monastère où, après des années de dure expiation, il mourut dans de grandes souffrances, comme il l'avait demandé pour obtenir le salut de sa fiancée. Un pli d'ironie parut aux lèvres d'Ariane, d'un rose vivant et frais. « La pauvre fille, mourir par amour, quelle folie !»« Vous trouvez que cela n'en vaut pas la peine, mademoiselle ?» dit Raymond. Il considérait avec intérêt cette physionomie dont le charme si prenant ne s'accordait pas avec le souvenir gardé par lui de la jeune étudiante très rieuse qui avait des mots jolis et mordants, s'habillait très mal et s'amusait elle-même de son allure dégingandée, de ses mouvements disgracieux, de ses traits mal formés. « Quand je serai en robe et en toque au banc des avocats, on me confondra avec mes confrères masculins », avait-elle coutume de dire. À cette époque, Raymond partageait cette opinion, surtout quand il voyait Ariane près de Paul, si fine, élégante, si féminine toujours. Mais maintenant, il lui fallait changer d'avis. Sans être d'une beauté régulière, Ariane avait beaucoup mieux. La grâce dans chacun de ses mouvements, une physionomie singulièrement vivante, expressive, un teint d'une belle matité qu'un jeune sang vif venait colorer souvent, et ses yeux, qui semblaient contenir tout un monde de pensées, graves ou gaies tour à tour. À la question de Raymond, Ariane eut un rire moqueur. « Ah, certes non, l'amour, c'est une chose qui ne m'intéresse pas. »« Tu dis cela, mais un jour ?» Paul passait son bras sous celui de son ami. En même temps, elle glissait vers Raymond un regard qui disait « Je sais, moi, combien cela est doux et désirable. » Ariane rit de nouveau. « Je ne pense pas qu'il me rende folle, à ce point tout au moins. En attendant, mon travail, ma profession me suffisent. » Eux, du moins, ne me feront pas souffrir, en tout cas, pas par le cœur. Or, je ne crains guère que cette souffrance-là. » Elle pencha un peu la tête pour regarder une dernière fois au fond de la gorge et Raymond remarqua le joli ton doré que prenait sa chevelure sous le jeu de la lumière. « Je crois qu'il est temps de rentrer. Il faut que je me recoiffe après avoir passé dans ces délicieux petits sentiers où des branches s'accrochent sans façon aux cheveux. » « On ne s'en aperçoit pas, » dit Paul. « Tu n'es plus la fillette ébouriffée d'autrefois. Tu te souviens, Raymond ?»« Très bien, » dit-il en souriant. Un rire léger s'éleva. Une très jeune gaieté brillait dans les yeux d'Ariane. « Et moi, j'ai gardé le souvenir d'un grand jeune homme correct qui me fit une observation sur ma toilette négligée. C'était sur la plage de Cabourg et j'avais 12 ans. « Je vous en ai voulu pendant 8 jours, monsieur. » Puis j'ai oublié. » Un sourire entr'ouvrait ses lèvres, montait jusqu'à ses yeux, un fin sourire où se glissait un peu d'amusement, un peu d'ironie. Raymond riposta gaiement. « Vous avez fort bien fait. Je me mêlais là de ceux qui ne me regardaient point et vous êtes très bonne de ne pas m'en avoir gardé rancune. » Elle eut un léger mouvement d'épaule, un plissement de lèvres moqueur qui signifiait également « C'est que cela ne me touchait guère, au fond. » Puis elle se pencha pour jeter un regard vers l'album que Raymond avait posé sur un banc. « C'est de vous, je puis voir ?» Raymond le prit et le lui tendit. Elle le feuilleta longuement. Paul, près d'elle, se penchait pour regarder aussi. Elle formait un groupe charmant dans le cadre sévère des pins. Appuyé contre la balustrade, le dos tourné aux robes d'enfer, Raymond les regardait. Il songeait « Quelle est la plus jolie des deux ?» Et son cœur amoureux répondait sans hésiter « C'est Paul, ma Paul au trait délicat, au teint de fleurs à peine éclose. » Ariane releva les yeux en disant « Mais vous avez un talent très intéressant, monsieur. Il est presque dommage que vous n'ayez pas choisi la carrière artistique plutôt que le barreau. Je vous laisse maintenant, car il est vraiment temps d'aller m'habiller. Tu ne viens pas, Paul ?»« Non, puisque je suis prête, je resterai un instant encore. L'air est délicieux à respirer après cette journée de chaleur orageuse. Mais Raymond rentre aussi, il va t'accompagner. » Les deux jeunes gens, précédés d'Abby, s'engagèrent dans l'allée de pins qui descendait en pente douce. Ariane disait son plaisir de connaître ce coin de Périgord si pittoresque et cette vieille maison, héritage de Paul, où plusieurs générations d'Évennes avaient passé. Rien n'était plus expressif que cette voix au timbre clair, et Raymond, en l'écoutant, se disait « Avec cela et ses yeux, elle gagnera toutes ses plaidoiries. » Au bas de l'allée s'étendait un parterre à la française qui précédait la maison, vaste bâtisse du XVIIe siècle, dont la façade, vers le jardin, disparaissait presque sous les feuillages tons de cuivre. Debout près d'un if taillé en champignons, un homme de haute taille, de large carrure, la considérait attentivement. Au bruit des pas, il se détourna et vint au-devant d'Ariane et de Raymond. « Tu es arrivé de ce matin et il a fallu déjà que tu fasses connaissance avec le parc, Ariane. Sans doute, Évennes, avez-vous découvert ma sœur sur quelques sentiers de chèvres ?» Il parlait d'un ton plaisant. Un sourire venait d'étendre sa face rasée, au trait fort, et donnait un soudain éclat aux yeux d'un vert changeant. « Mais pas du tout, nous nous sommes rencontrés sur la terrasse, en face du roc d'enfer. »« Ah, ce fameux roc, j'irai le voir demain. » Ariane dit, avec une légère moue de dédain, « Ce sont des choses qui ne t'intéressent pas. » Ferdinand Daubré eut un rire bref en rejetant en arrière une mèche de son épaisse chevelure brune. « En effet, je ne suis pas, comme toi, enthousiaste des spectacles de la nature. Mais une belle vue me plaît assez quand même. Cela repose l'esprit. À quand le procès-valier, Évennes ? Vers décembre ou janvier, j'ai maintenant en main toutes les pièces du dossier. » « Vous aurez là une belle plaidoirie. C'est une affaire passionnante. Je vous l'envie, mon cher. »« Vous n'en manquez pas, cependant. On m'a dit que Vernouroux vous avait pris comme défenseur. »« C'est exact. Et il n'aurait pas eu l'idée de s'adresser à vous, celui-là. Dans le monde de la haute canaillerie, on connaît déjà les opinions intransigeantes de Maître Évennes. » Il souriait à demi. On pouvait à peine discerner dans son accent un léger sarcasme. Raymond dit froidement « En effet, je méprise trop ces gens-là pour avoir l'idée de les défendre. » Ariane s'amusait à chatouiller son visage avec un dahlia pourpre qu'elle venait de cueillir. Son regard intéressé allait de la physionomie fine, expressive de Raymond à celle de Ferdinand, plus rudement taillée, non dépourvue cependant d'une certaine beauté vigoureuse, mais si impénétrable derrière l'impassibilité des traits et le regard indéchiffrable, sur lequel souvent se baissaient de longues paupières molles. Au dernier mot de Raymond, Ariane répliqua d'un ton mi-amusé, mi-railleur, « C'est pourtant en défendant ces gens-là qu'on se met en vedette. Ces gros financiers, ces filous de haute marque, voilà ce qui fait la fortune d'un avocat, ce qui lui donne la notoriété. » Or, n'est-ce pas là le but que vous vous êtes proposé en choisissant une carrière ? Ce ne doit être qu'un but secondaire, mademoiselle. Le principal est l'accomplissement de mon devoir chrétien et social, la mise en valeur de mes facultés pour le plus grand bien de mon prochain et ma propre amélioration morale. Après cela, il ne m'est pas défendu de rechercher un large profil matériel et la notoriété, pourvu que je reste dans les limites prescrites par ma conscience. » Daubré eut un fugitif plissement de lèvres. Il murmura avec une douce ironie : « Amélioration morale, conscience, ce sont de très beaux mots. » »« Très beau, » dit Ariane avec un rire léger. Elle se pencha et glissa le dahlia dans le collier du chien. « Allons nous habiller, Abby, ou bien nous serons en retard. »« À tout à l'heure, » dit Daubré, voyant que Raymond se dirigeait aussi vers la maison. Au seuil de la porte vitrée qui ouvrait sur le vestibule, Ariane se détourna en levant sur le jeune homme un regard où se discernait une sorte de curiosité pensive. « Vous croyez à ce que vous dites, monsieur ?»« Comment, si j'y crois ?»« Je dois vous paraître très impoli en vous demandant cela. Mais je suis tellement sceptique. Des mots, de beaux mots, comme dit Ferdinand, combien en entend-on ? Mais si rarement, les actes s'accordent avec eux. Cela se produit peut-être plus souvent que vous ne le pensez, mademoiselle. Mais il est pénible de vous voir si dépourvue d'illusions à votre âge. » Elle secoua la tête. Une ombre semblait couvrir l'éclat de son regard. « C'est très raisonnable, en tout cas. Cependant, j'aimerais vous croire sincère, mais il me faudrait pour cela vous connaître mieux, chose difficile, car une âme d'homme doit être quelque chose de si décevant. Que dirons-nous alors des âmes féminines ?» Elle éclata de rire. « Ah oui, les âmes mystérieuses, la Joconde et le reste !» « Non, nous ne renfermons pas tant d'énigmes que cela. Allez, c'est l'homme qui nous parle de cet attrait supplémentaire, car quel attrait vaut celui du mystère, réel ou supposé ?» Elle entra dans le vestibule, dont le dallage en mosaïque résonna sous ses fins talons. Raymond, en s'avançant derrière elle, fut frappé de son allure décidée, qui s'alliait harmonieusement à la grâce souple de la démarche et des mouvements. Rien ne rappelait plus l'adolescente dégingandée, ni même la jeune fille en voie de transformation qu'il avait rencontrée une fois l'année précédente chez Paul. Sur le palier du premier étage, Ariane se détourna et lui tendit la main. « Vous ne me garderez pas rancune pour mon doute impoli ?» Dans la pénombre, ses yeux riaient. Raymond serra les doigts tièdes en répondant gaiement « Non, parce que j'aime la sincérité avant tout. » « Comme moi, nous nous entendrons bien. » Elle disparut dans le corridor où se trouvait sa chambre, tandis que Raymond gagnait le second étage. Il songeait. « Qu'est-ce que cette nature ? » Paul la dit très bonne, très franche, d'une parfaite rectitude morale. « Mais elle se laisse facilement circonvenir, ma chère Paul. En tout cas, ce doit être une nature intéressante et peu banale. » « Pauvre enfant ! Aura-t-elle la force de passer indemne entre les pièges qui la guettent, si jeune et charmante, sans appui moral, avec une âme vide de Dieu ?» Puis, reportant sa pensée vers Ferdinand Daubré, il se posa une fois de plus cette question. Pourquoi a-t-il accompagné sa sœur ici ? Car, bien que sa mère, morte 10 ans auparavant, eût été l'amie de Madame Berthéven, bien qu'Ariane et Paul se connussent intimement depuis l'enfance, Ferdinand n'avait jamais eu que des rapports assez cérémonieux avec la mère et la fille. Ce milieu de bon ton n'avait rien qui pût plaire à un viveur tel que lui. Quant à Raymond, qui le voyait au palais, il échangeait avec lui quelques mots, une poignée de main sans chaleur, et c'était tout. Il existait d'ailleurs entre eux une différence d'âge de plusieurs années, et tandis que Daubré comptait déjà parmi les noms importants du barreau, Raymond Even sortait seulement de l'ombre. Comme celui-ci l'avait dit à sa cousine, les divergences entre eux étaient trop grandes pour qu'une sympathie les rapprochât l'un de l'autre. Il avait donc éprouvé une réelle contrariété en apprenant, l'avant-veille, qu'Ariane et son père, le président Daubré, invités par Madame Berthe à passer le mois de septembre à sa propriété des Grands Sapins, s'annonçait pour le lendemain en compagnie de Ferdinand. « Il a offert de nous conduire dans sa voiture en se rendant à Biarritz, » ajoutait Ariane. « Et il sera heureux de cette occasion de vous saluer au passage. » Naturellement, Madame Berthe l'avait engagé à demeurer quelques jours et il avait accepté, à la grande surprise de Raymond. Quel intérêt pouvait-il trouver à ce séjour, si court fut-il, dans cette demeure isolée, dépourvue, ainsi que ses alentours, des distractions qui lui étaient chères? Après tout, il n'est peut-être pas fâché de se mettre un peu au vert avant de reprendre sa vie de plaisir à Biarritz, conclut Raymond. Mais il appelait de ses voeux le moment où la voiture de son confrère franchirait la grille des grands sapins pour prendre la route du Pays basque. En outre, l'engouement de Madame Évène pour le jeune avocat l'agaçait quelque peu. Cela datait d'une plaidoirie brillante emportant un acquittement imprévu qui avait mis fortement en vedette Maître Daubray. Madame Berthe aimait les gens à succès. Le jour de cette fameuse plaidoirie, elle était là et elle avait amené sa fille. Du banc des avocats, Raymond voyait la jolie tête coiffée d'un petit chapeau de velours gris. Paul ne lui avait jamais paru plus fine, plus délicatement élégante que sous ses voûtes austères, au milieu de l'assistance mêlée qui s'entassait pour ce sensationnel procès. Mais il lui déplaisait qu'elle fût là, précisément à cause de cette assistance. Car l'affaire par elle-même ne comportait pas de dessous scandaleux et Madame Évène en avait profité pour faire entendre à Paul la parole de Daubray. Quand Raymond descendit de sa chambre, il trouva Madame Berthe occupée à chanter un duo avec Ferdinand. Elle avait encore une belle voix et la basse de Daubray ne manquait pas d'agrément. Le président, enfoncé dans un fauteuil moelleux, écoutait en se tournant les pouces. En même temps que Raymond, par une autre porte, entraient Ariane et Paul. Cette dernière s'extasia sur la voix de Ferdinand, à qui Madame Évène fit aussi force compliment. Il les recevait avec cette assurance d'homme satisfait de lui-même, qui impatientait secrètement Raymond. « Comment peuvent-elles avoir quelque sympathie pour ce personnage » songeait-il. Pendant le dîner, il parla peu, occupé surtout à étudier les nouveaux hôtes des grands sapins. Le président, peu loquace et dyspeptique, buvait de l'eau et mangeait à peine. Son visage maigre, encadré de favoris grisonnants, gardait à demeure une expression aimable et approbative. Il était de notoriété, au palais, que le président Daubray n'avait pas été comblé des dons de l'intelligence, mais qu'on ne pouvait trouver d'homme plus accommodant, toujours de l'avis de chacun et de tous, et répandant littéralement l'eau bénite de cour. On disait encore que de haute protection l'avait, seul, fait parvenir aux fonctions qu'il occupait de façon assez banale, sans que son mérite eût aucune part à une si brillante carrière. De tout cela, M. Daubray s'inquiétait peu. Il continuait de présider les audiences avec la même indifférence aimable et de soigner son estomac qui l'inquiétait. Pour sa femme, nature sensible et tempérament maladif, il avait été un de ces doux despotes dont l'égoïsme suffit à empoisonner une existence. Quant à ses enfants, il leur laissait depuis longtemps liberté absolue et disait agréablement à ses amis « J'en ai fait des consciences libérées. Rien ne les gênera dans la vie, ces deux petits-là. » Le système donnait déjà ses fruits en Ferdinand. Quant à Ariane, c'était encore le mystère. Raymond la regardait, assise près de lui, causant et riant. Le rose pâle de sa voix semblait rendre plus douce encore sa peau mate. Quand elle s'animait, ses yeux prenaient un éclat qui éblouissait. Elle montrait une gaieté franche et très jeune. Raymond songeait. Elle doit être encore honnête et droite. Mais que deviendra-t-elle, abandonnée à sa seule raison ? Pauvre enfant ! En face de lui, Ferdinand Daubray étalait sa large carrure. Il posait, comme l'avait dit tout à l'heure Raymond à sa cousine. Se sachant très écouté, il parlait beaucoup, avec agrément d'ailleurs. Au contraire de sa sœur, dont tous les traits n'étaient qu'expression, les siens restaient impassibles. L'ensemble de sa physionomie eût paru très froid, sans quelque lueur vive, parfois aiguë, d'autres fois caressante, traversant le regard intelligent, auquel le jeu habile des paupières donnait un attrait d'énigme. Madame Berthe écoutait son hôte avec un visible plaisir. Paul aussi, d'ailleurs. Elle souriait aux propos spirituels du jeune avocat, sourire assez banal, du reste, ne différant guère de ceux qu'elle adressait à d'autres hôtes. Mais Raymond, il ne s'expliqua pas pourquoi, en ressentit une impatience qui confinait à l'irritation.